J'ai reçu ta lettre et de ma fenêtre, quand je les ai vus t'emmener, ma tête s'est voûtée. Les pleurs que j'avais sur les mains s'essoufflaient courant vers les pieds qui se refermaient derrière toi, en étouffant tout ce qui restait de ma voix. Les sentiments bâtards à caresser le ciel, encore à flirter les trottoirs, me pousse vers Virtel pour essayer de te revoir. Pour ne pas bluffer mon espoir, je me cogne la tête au mur et j'irrite mes larmes sur son armure. C'est qu'il tue mon sauveur.